طيب بسم الله الرحمن الرحيم من يذكرنا في أي قاعدة نحن فيها qui peut nous rappeler dans quelle règle et dans quelle base nous nous trouvons dans ce livre Qawaid al-Muthla de l'imam Cheikh Al-Uthaymeen. Zakari. من غيره؟ موسى؟ Les noms d'Allah sont parfaits. يعني كل أسماء الله حسنى. طيب. De quel point de vue on dit qu'ils sont parfaits, Ismaïl? أيوة. لما تضمنتها أو تضمنته من الصفات الكاملة. Donc on dit que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont parfaits. Ceci en vue de ce qu'ils recèlent comme sens. Et parmi les sens que recèlent les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a l'affirmation de ses attributs. Car dans chaque nom, on tire un attribut. Yeah. عندك يا هارون يقول الشيخ العثيمين وذلك لأنها متضمنة لصفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا ما معنى احتمالا وما معنى تقديرا Donc là on a vu que le Cheikh Al-Uthaymeen il a dit que lorsqu'il explique pourquoi les noms d'Allah sont parfaits il dit car elles recèlent des ou l'affirmation d'attributs les attributs, des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal qui sont parfaites et dans lesquelles il n'y a aucune déficience et aucun défaut et ce de tout point de vue. De tout point de vue. La ihtimalan wa la taqdira. Yani, aucun défaut taqdira caché wa ihtimalan supposé, sous-entendu. Ah, mani fahimni hada. Supposé, sous-entendu, ok. Ils sont clairs. On n'interprète pas. Qu'on n'interprète pas. Taïb. En fait, le nom d'Allah Azza wa Jal, il indique un attribut. Mais en même temps, cet attribut, il est parfait de tout point de vue. Et ce n'est pas un attribut, ou on pourrait supposer un quelconque sens qui indique un défaut. Tamam ? Donc là, Madame Cheikh Al-Uthaymeen, il te donne une très très belle définition. Maintenant, il faut la comprendre. Parce que, par exemple, quand on dit Ismoula Al-Mutakabbir, pour nous, quand on parle de fibre ou d'orgueil, c'est mal vu. Mais pour Allah, il n'y a pas ce mauvais sens supposé. Non. C'est ça ou... Là. En fait, là, il veut t'expliquer que le nom d'Allah Azza wa Jal, il est parfait. Tamam. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il recèle en son sein des attributs. Tayyib. Et en même temps, comme c'est le nom, comme c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, l'attribut qui lui sera propre, on ne peut y trouver un quelconque défaut, que ce soit supposé ou caché. Je vous donne un exemple. لأن بالأمثال تتضح الأمور. الشيخ سعيد لما سئل وأخونا حمزة سأله في هذه العبارة بالذات فقال مثل لو سمينا الله المتكلم. Si on donne un nom à Allah Azza wa Jal, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Mutakallim. Est-ce que Al-Mutakallim, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal? Allah a'lam. Anta ya Abba Ibrahim? Allah a'lam. Muhammad. Allah a'lam. Al-Mutakallim. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'akallam? Non. Taban, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Al-Mutakallim, c'est celui qui parle. Hein? Celui qui parle. Taïb. Est-ce que Al-Mutakallim fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal? Non, là. Ils ne font pas partie, il ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun dalil qui l'indique, il n'y a aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et deuxièmement, parce que ça sous-entend un sens qui peut être ou qui peut supposer un défaut. Parce que quand tu dis Al-Mutakallim, قد يكون يتكلم بحق أو بباطل. قد يتكلم بحق أو بباطل. نعم فهمتم؟ فهمتم؟ طيب الدهر هل هو من أسماء الله جل في علا مراد؟ هناك حديث آخر ذكرنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أو يؤذيني ابن آدم وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Dans ce hadith, comme vous avez cité, d'après Abu Huraira, le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'enfant d'Adam lui fait du tort, car il insulte le temps et il dit je suis le temps. Al-Dahr. Maintenant, une question se pose, est-ce que le temps, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal? Là vous avez Tab'an, un délit. Hein? Kérim. الله أعلم أحسنت مراد الله أعلم Le temps, on tire quel sifa d'Allah Azzawajal? Quel attribut on tire? Ici? Allah Alama. فعال لما يريد هذه في الإرادة ça c'est la volonté لكن le temps quel attribut on peut extirper du temps il n'y en a pas ما فيها صفات والأسماء كلها تتضمن صفات et les noms d'Allah عز وجل ils comprennent tous ou ils sous-entendent tous un attribut d'Allah Azza wa Jal. Al-Basir yatadamman sifatu Al-Basar. Wa madha Al-Alim yatadamman sifatu Al-Ilm. Wa hakada. Al-Hay sifatu Al-Haya. Al-Rahman ou Al-Rahim sifatu Al-Rahma. Wa hakada. Amma Al-Dahr ma fi shay. Fa bi mujarrad dhalik na'lam anna Al-Dahr laysa من أسماء الله عز وجل فهمتم؟ لا donc juste en ayant compris cette règle on distingue directement que le temps ne fait pas partie des noms d'Allah عز وجل même si cela a été affirmé de la part de certains savants Qui parmi les savants ont affirmé ce nom est Harun. Ismaïl. Moussa. Hein? Mais on sait qu'il a fait qu'il t'a traité. Ibn Hazm, al-Zahiri. L'imam Ibn Hazm, al-Zahiri, il a affirmé que Al-Dahr faisait partie des noms d'Allah Azzawajal. Or, ceci est une erreur. Taïd. Donc, on était arrivé au troisième exemple de Cheikh Al-Uthaymeen lorsqu'il parle de Ar-Rahman. Qala wa mithalun thalith Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil-Rahma al-Kamila allati التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها من هذه بولدها donc troisième exemple de nom parmi les noms d'Allah عز وجل الرحمن avant il a évoqué quel nom en guise d'exemple العليم Le vivant, Al-Hay. Naam, Ahsanta. Yassin. Al-Hay, Wal-Ilm, Wal-Alim, Wal-An, Ar-Rahman. Donc là, le tout miséricordieux est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qui sous-entend l'attribut de la miséricorde. La miséricorde parfaite. La miséricorde parfaite, celle dont il est sujet. Dans la parole du prophète alayhi salatu wasalam lorsqu'il dit l'Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha lorsque le prophète sallallahu alayhi wasalam il dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme en désignant une femme qui avait retrouvé son enfant donc le prophète sallallahu alayhi wasalam il dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant Naam. وهذا لابد أن يتأمل يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا. Et ça c'est des choses sur lesquelles il faut méditer يا إخوان. خاصة إذا كنا في الشدائد وابتلاء ومحن وفتن. Et encore plus lorsqu'on se trouve dans des difficultés, des épreuves et des difficultés. De la vie. On se doit de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que nous-mêmes, on l'est envers nous-mêmes ou que nos propres mères. وهذا مما يعينك على حسن الظن بالله عز وجل مهما كان. Et ça fait partie des choses qui vont t'aider à penser du bien d'Allah عز وجل, peu importe ta situation, peu importe ماذا la situation et l'endroit où tu te trouves. انظروا إلى سلمان الفارسي أمس كنا في قصته خدع وضرب وشتم وحبس ومع ذلك يثق في ربه جل جلاله ويحسن به الظن ويبقى على هذه الهمة العالية. L'histoire qu'on a vue hier de Salman nous montre et nous indique ce que nous venons d'évoquer. Salman qui a été trahi, qui a été vendu comme esclave, comme on a vu hier, qui a été frappé, qui a été emprisonné. Il n'a jamais eu de cesse d'avoir espoir et de penser du bien d'Allah Azza wa Jal. Donc ce genre de hadith, lorsqu'on les entend, il faut les méditer. فلا نتأمل ونتدبر القرآن فقط فحسب حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتدبرها أو نتدبره. Même les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام, elles méritent que on y prête réflexion et qu'on les médite. Ce n'est pas que le Coran qui se médite, mais même les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc lorsque le prophète a.s. dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette propre mère envers son enfant, ça doit nous interpeller. طيب قال الشيخ سعيد ابن دعاس في هذه الفقرة قال والمقصود بهذه الرحمة الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى من صفات ذاته سبحانه وتعالى لأن الرحمة منها ما ليس من صفة له وإنما هي مخلوق من مخلوقاته كما تذكرنا. Donc là Cheikh Saïd il explique que dans ce hadith Allahu arhamu, Allah est plus miséricordieux, là on parle de la miséricorde qui est son attribut, la miséricorde qui est son attribut. Car il y a une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal a créée. Celle-là, elle ne fait pas partie de ses attributs. C'est une miséricorde qu'Allah a créée et qui est donc une créature. Qui est donc une créature. وَهِيَا أَلَّتِي عَنَاهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِئَةَ رَحْمَةٍ أنزل منها رحمة يترحم العباد فيما بينهم وأدخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده نعم كم دون حديث هو البروفيت عليه الصلاة والسلام نقول ديك الله سبحانه وتعالى أكري 1000 miséricorde. Donc là, c'est on ne peut plus clair et on ne peut plus explicite dans le fait qu'Allah a créé, j'ai dit combien 100 miséricorde. 100 miséricorde. Madame, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 miséricorde et il en a fait descendre une avec lesquelles les serviteurs se font miséricorde entre eux jusqu'à là. Jusqu'au jour de la résurrection. Et il a gardé, il a préservé auprès de lui 99 miséricordes qu'il fera descendre le jour de la résurrection. Et c'est des miséricordes dont il comblera ses serviteurs. Le jour de la résurrection, qui bénéficiera de la miséricorde d'Allah ? Jami'an nas ? Am al-mu'minin fa hasb ? Al-Mu'minun. Non. Non. قال لكن المقصود هنا بالرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن أو الرحيم المقصود بها صفة ذاته والصفات كما قال الحافظ الخطيب البغدادي كالذات والذات ليست مخلوقة وصفة الله تعالى كذاته صفة كاملة نعم طيب donc on revient dans les paroles de Sheikh Al-Uthaymeen. Donc il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit l'Allah أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أمي يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique tout d'abord le hadith que nous avons cité, qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Il dit qu'il s'agit d'une femme qui a retrouvé son fils de bas âge et qui l'a serré contre elle et qui lui a donné le sein. Donc il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux que cette femme-là envers son enfant. Ensuite il dit que la miséricorde ou le nom Ar-Rahman ou Ar-Rahim, il sous-entend aussi la grande, plutôt Ar-Rahman, il sous-entend la grande miséricorde, la miséricorde immense, celle dont parle Allah Azza wa Jal dans le verset 156 de Surat Al-A'raf, lorsqu'il dit, selon une traduction approximative, « Et ma miséricorde a certes englobé toute chose. » Ma miséricorde a certes englobé toute chose. « Wa qala an du'a il mala'ika lil mu'minin » Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans son Coran, dans le Coran, au sujet des invocations que font les anges pour les croyants, lorsqu'ils disent « Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma »« Ô Seigneur, tu as englobé toute chose de par ta miséricorde et ta science. » De par ta miséricorde et ta science. طيب, est-ce que les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils sont tous au même degré les uns les autres, où il y a des attributs qui sont plus méritoires que d'autres. عندك يا أبا إبراهيم الله أعلم أحسنت عندك يا آدم الله أعلم. Par exemple, est-ce que l'attribut de la force Allahu هو القوي القوي يتضمن صفة ايش القوة est-ce que l'attribut de la force il est plus élevé que l'attribut je sais pas moi du ilm hein? Ou bien tous les attributs d'Allah Azza wa Jal ils sont au même niveau étant donné que c'est les attributs d'Allah Azza wa Jal hein? Ils ne sont pas tous au même niveau. Hein. Les attributs d'Allah ne sont pas tous au même niveau. En fait, si on pose la question par amour, ça revient au même niveau. Hein ? Si on dit qu'ils sont parfaits, c'est qu'ils sont tous au même niveau. Moussa dit si on dit qu'ils sont parfaits, c'est qu'ils sont tous au même niveau. Et donc, il y a un khilaf entre Moussa ou Akhouna Mohamed. Il y a un homme dans le masjid, il était de Haqq Qassem, il a dit cet homme, il a demandé à Allah par l'un de ses plus beaux noms. Cet homme, il a demandé à Allah. Vous êtes un des arabes ou c'est plus des camions. Hein? La miséricorde, elle a un niveau supérieur à la force. Ouais, c'est la miséricorde, elle demande une force intérieure, qui est la force, c'est la force brute, en fait. Après, là, on parle des attributs d'Allah. Oui. Mais là, on parle de degré, comme les noms, comme les attributs qui découlent des noms, s'il y a des noms meilleurs, ces attributs-là, ils sont meilleurs. Donc, tu es avec Mohamed? Non. Qui est avec Moussa? Allah, أخرجتنا من الخلاف وكما ذكر أخونا محمد الصفات تتفاضل. Les attributs d'Allah عز وجل ils sont pas tous au même niveau. Il a évoqué un dalil, بلا شك que c'est un dalil. Apprendre, comme l'a expliqué أخونا عبد الله كذلك. Mais celui que tu viens d'évoquer, j'espère que tout le monde l'a entendu le hadith qu'il a évoqué, c'est le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ma miséricorde a pris le dessus sur ma colère. Voilà, salih. Ma miséricorde a pris le dessus sur ma colère. Tamam. Enfin, les attributs d'Allah Azza wa Jalla ne sont pas tous au même niveau. Tout comme les versets du Coran ou les sourates. Les versets du Coran, par exemple, Ayat Day, qui est le verset le plus long du Coran. Le verset qui concerne qui parle des dettes, c'est le verset le plus long du Coran. Bien qu'il soit le plus long, c'est pas le meilleur des versets. Et c'est pas le verset le plus important. Quel est le verset le plus important, Ayas? Ahsanta. Hein, Ali? Le verset le plus important du Coran, Ayas, sérieux. Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Non. Et quelle est la sourate la plus importante du Coran? عندك يا أبا إبراهيم أنا الفاتحة أحسنت أحسنت. نعم. فكم القرآن تتفاضل بعضها على بعض فكذلك صفة الله. طيب قال donc, Cheikh Saïd, il dit, l'anna, al-rahma, rahmatan. Rahmatun amma, wa rahmatun khassa. Al-rahmatul amma, hiya, allati la takhtassu bi'ibadillahi subhanahu wa ta'ala as-salihin, wa awliya'ih, al-muqarrabin. Donc, il faut savoir que la miséricorde d'Allah, elle se divise en deux miséricordes. Une miséricorde qui est globale, et une miséricorde qui est spécifique. Donc celle qui est globale, elle ne s'arrête pas simplement aux serviteurs d'Allah vertueux, ceux que l'on caractérise comme étant les alliés d'Allah azzawajal. Mais ça va bien plus loin. Ça touche même les mécréants et les ennemis d'Allah azzawajal. Non. وأما الرحمة الخاصة فهي التي خص الله بها خص الله عز وجل بها عباده المؤمنين قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 156 ma miséricorde a englobé toute chose et je l'écrirai ou je la décréterai pour ceux qui ont craint et qui ont donné la zakat et ceux qui étaient croyants en nos versets. Donc ça c'est la rahma spécifique, ça c'est la miséricorde spécifique aux croyants. هذه رحمة خاصة وهي التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله للجنة Anti rahmati arhamu biki man asha. Et donc c'est cette même miséricorde, la miséricorde spécifique qui est voulue dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il parle où il interlocute le paradis et lui dit tu es ma miséricorde et je fais miséricorde de par toi à qui je veux parmi mes serviteurs. والمعنى رحمة الصالحين بها لأنها جزاؤهم وثوابهم يوم القيامة أما الرحمة العامة فهي التي تشمل المؤمن وغير المؤمن فالله سبحانه وتعالى يرزق سائر المخلوقين ويشفيهم وهذه كلها من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. نعم. Donc ça c'est la miséricorde spécifique, mais celle qui est globale, elle englobe tout le monde. Elle englobe tout le monde, toutes les créatures. Les bons, les bonnes comme les mauvaises. Les pieux comme les pervers. Les croyants comme les mécréants. Tout ma parole, Cheikh Saïd. Wahada Shahid. في هذا المقام وإلا فمثل هذه المسائل لها مواضع خاصة لكن محل الشاهد هو المقصود بيان ما تضمنه اسم الرحمن من صفة الكمال لله سبحانه وتعالى ألا وهي الرحمة الكاملة التي وسعت كل شيء وهي رحمة عامة أو رحمته التي خص الله بها عباده. نعم. على كل حال donc là on constate que Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms il y a Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et cela sous-entend l'attribut de la miséricorde. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle se divise en deux, celle qui est globale propre à tout le monde, et celle qui est spécifique, uniquement les croyants en bénéficieront. Donc on revient dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, il dit Wal-husnu. Donc là, c'est la fin de la première règle, et il termine aussi par une leçon très très importante, un point très important. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده يعني أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بمفرده يدل على صفة كامل أو كاملة. طيب والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. Et donc là, Cheikh Al-Uthaymeen il te dit que et la perfection dans les noms, la perfection qu'indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal, elle est en fonction de chaque nom d'Allah Azza wa Jal. En aparté, c'est-à-dire chacun des noms d'Allah Azza wa Jal, ils indiquent une perfection. Chacun des noms d'Allah Azza wa Jal, ils indiquent une perfection. Wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghayrihi. Et aussi, cette perfection, elle peut être aussi du point de vue lorsqu'on associe deux noms. Lorsqu'on associe deux noms d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, vous allez souvent trouver dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu huwa al-ghafur al-rahim. Al-ghafur al-rahim. Al-aziz al-rahim. Mada al-alim al-khabir. Vous allez trouver souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il joint deux de ces noms. Et cet assemblage de noms indique une perfection supplémentaire. Cet assemblage de noms indique une perfection supplémentaire comme on va le voir. طيب فيقول الشيخ سعيد وهذا يا اخوان مبني على ما هو معلوم من اساليب العرب ان التركيب يفيد من المعنى ما لا يفيد الافراد donc Cheikh Saïd il t'explique que cela cet assemblage de noms ou plutôt cette faïda évoquée de Cheikh Al-Uthaymeen elle est en concordance avec ce que connaissent les Arabes dans leur façon de parler car pour eux lorsqu'on associe deux mots, cette association-là, elle indique un sens qui n'est pas dans les deux mots séparés, que l'on ne trouve pas lorsqu'on emploie ces deux mots séparément. Vous avez compris ça ? Non. ثم قال وهذه المسألة مبنية على مثل هذا الأسلوب العربي. فأسماء الله عز وجل كل اسم منها بإفراده يدل على صفة. Donc les noms d'Allah عز وجل. Chacun de ces noms, en aparté, il indique une perfection. Il indique un attribut. العلم أو العليم على صفة العلم. الحكيم على صفة الحكم أو الحكمة. فكل اسم من أسمائه يدل على صفة على انفراده فإذا انضم الاسم إلى غيره من الأسماء حصل من مثل هذا التركيب كمال آخر donc chacun des noms d'Allah عز وجل séparément il indique un attribut en soi العليم il indique quoi comme attribut العلم la science ماذا العزيز العزة Al-Hakim, Al-Hukm, ou Al-Hikmah. Donc ça, chacun des noms, il indique un attribut en soi. Et lorsque tu lis, tu assembles ces deux noms, tu les mets dans un même contexte, dans une même phrase, alors ces deux noms-là, ils prennent un sens et une... Madame Il bénéficie d'une perfection supplémentaire. Comment ? فإذا انضم الاسم إلى غيره من الأسماء حصل من مثل هذا التركيب كمال آخر غير ما دل عليه كل اسم بانفراد. Donc cette perfection là qui résultera de cet assemblage C'est une perfection là, c'est une perfection qu'on ne trouvera pas dans l'un des deux noms d'une manière séparée. Vous avez compris ça ? Taïb, avec l'exemple, vous allez mieux comprendre encore. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il continue et dit Mithalu dhalik, Al-Aziz ou Al-Hakim. Donc là, il prend l'exemple de. Qu'on trouve souvent dans le Coran, Al-Aziz ou Al-Hakim. Al-Aziz, comment on le traduirait ? Le puissant, l'omnipotent, le fier, le malin. Tamam, on va dire le puissant. Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Hakim, le sage. Chacun de ces noms-là, quand tu les prends à part, ils indiquent un sens. Tamam, ils indiquent un sens. Mais quand tu les rejoins, ils indiquent un autre sens encore, un sens supplémentaire. Tamam. قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم. Donc ça c'est deux noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala associe souvent dans le Coran. Et chacun de ces noms, d'une manière séparée, il indique à une perfection, il indique, ou il appelle à une perfection, madame, طيب. Une perfection spécifique. Une perfection spécifique. Comme Al-Izza, comme la puissance dans le mot Al-Aziz. Ou Al-Hukm ou Al-Hikma, comme le jugement ou la sagesse dans le nom Al-Hakim. ثم قال والجمع بينهما دال على كمال آخر. Donc, et lorsqu'on les rassemble ces deux noms, cela indique une perfection supplémentaire. وهو, et ce n'est autre que أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل. Et c'est quoi cette perfection? C'est que la izza d'Allah, la puissance d'Allah, si on la lit avec sa sagesse, ça sous-entend que sa puissance n'est en aucun cas cause d'injustice, de privation ou de transgression. Comme on aurait pu le voir de n'importe quelle créature qu'on qualifierait comme étant puissante. Tamam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Aziz, Al-Hakim, ça sous-entend que yani izzatu maqruna, sa puissance est en lien avec sa sagesse. La sagesse, c'est quoi, Yahouan? Qui peut nous rappeler la définition de la sagesse? C'est le fait de poser, de placer les choses à leur place. Tamam. Tandis que le dhulm, l'injustice, c'est tout son contraire. C'est de placer les choses non pas dans leur place. Tamam. Donc là, quand on, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le lien entre Al-Aziz et Al-Hakim, c'est pour nous indiquer que sa puissance est toujours en lien avec sa sagesse. Ça veut dire qu'il n'utilise en aucun cas sa puissance pour commettre une injustice, une transgression ou une oppression quelconque. Subhanallah. Wa qala fa'izzatuhu la taqtadi dhulman wa juran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'izza'i al-makhluqin fa inna al-'aziz minhum man ta'khudhuhu al-'izza bil-'izzati bil-ithm fayadhlim wa yajur wa yusi'u at-tasarruf. Na'am. Donc la puissance d'Allah, elle est en lien avec la sagesse, contrairement à la puissance de certaines de ces créatures. Car certaines de ces créatures, une fois qu'ils ont atteint un certain degré de puissance, ils sont proies à l'injustice, à commettre l'injustice et à commettre des mauvaises œuvres. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, comme il nous a dit qu'il est l'Aziz Al-Hakim, on sait que sa puissance est toujours en lien avec sa sagesse. طبعاً, même si on n'aurait pas ce tarkib là, c'est Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que on affirme à Allah Azza wa Jal les meilleurs des sens, les meilleurs des paroles. Mais là, c'est pour qu'on vous compreniez mieux que cette association de noms, elle a un but visé. Et c'est pourquoi quand tu lis le Coran avec ilm, c'est pas pareil que quand tu le lis sans science. Quand tu lis le Coran avec science, c'est pas pareil que si tu le lisais sans cela. Regardez combien vous allez trouver dans le Coran Al-Aziz Al-Hakim. Et faites cet exemple-là avec d'autres noms ou d'autres assemblages de noms. Vous allez trouver des fawaid azima. طيب ثم قال وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Pareil, le fait qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Aziz Al-Hakim, ça veut dire aussi que sa sagesse, il utilise sa sagesse, mais pas avec rabaissement, avec puissance, tout en étant capable de faire preuve de puissance. Contrairement à, aux créatures. Combien de créatures ils peuvent œuvrer avec sagesse, mais ils n'ont pas la capacité en vérité. Ils œuvrent avec sagesse, mais sans puissance. Sans puissance. Par exemple, le fait d'œuvrer avec sagesse, ils vont délaisser le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal par sagesse, parce qu'ils sont impuissants. Tandis qu'Allah Azza wa Jalla, toutes ses œuvres, elles sont emplies de sagesse, mais ce n'est pas la sagesse d'un impuissant. C'est la sagesse du Tout-Puissant. La sagesse du Tout-Puissant. Tamam ? Vous avez compris cette partie-là, il y a un point ? Ça y est, on aura terminé alors avec ça, la première des qa'idah de ce livre, qui est que tous les noms d'Allah, Azza wa Jal, sont parfaits. Et on l'a pris très lentement, on a passé cette qa'idah très lentement, de manière à ce que chacun d'entre vous la mémorise et sache l'expliquer de la meilleure des manières à autrui. Zakatul ilm. Mala, quel est le monde de la science, hein? Le fait de la propager. C'est-à-dire, ce que vous apprenez, il faut le propager. Et tu ne peux le propager que si tu l'as maîtrisé. Non. Il reste un peu de temps là. Voilà. Hein? 20 minutes. On va prendre les questions, je pense qu'il y a des questions. Au sein de ta fille, bien de